Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin bulletin-gartinera des bulletins-gartineries dans son habituel bulletin-gartin et Frédéric Bernard nous entraînera sur l'autoroute de l'information dans la chronique Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki. En ce mercredi 23 mars 2016, on est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières à 34 jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Et c'est sur notre chanson thème de Valesse Perrietta, remaniée par l'Iris du Plasmique, qui en débute aujourd'hui. Ça va bien, Tania? Ça va très bien. Je suis un peu fatiguée, honnêtement, mais ouais? j'expliquerai pourquoi dans quelques instants. Ah oui? Oui. OK. Pas tout de suite. Non, pas. Ben, je peux l'expliquer tout de suite. Je sais pas si ça me dérange pas. En fait. Non, mais si tu veux laisser un suspense planer. Ok, c'est je laisse un suspense planer. Dans parfait. On va parler du plan de l'émission d'aujourd'hui à la place. Excellent. À 8h, on aura Sébastien F. Gartin pour sa chronique Bulletin Gartin. Il nous parle d'actualité canadienne, québécoise au niveau du populaire. Il essaie de nous expliquer ça en détail pour qu'on comprenne un peu, nous, les gens qui n'ont pas de connaissances générales. À 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe, lui parcourt Internet, lui pose une question, essaie de trouver une réponse plus ou moins absurde. On va aussi avoir des invités spéciaux en fin d'émission à 9h15 environ. Les gars de Curébé vont être avec nous en studio pour parler de leur musique. Et on va en écouter, peut-être même en entendre performer. On verra, on verra peut-être. Se trame devant nous aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera « Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a ». Mais commençons en musique avec Cage the Elephant et Crybaby. Assemblage Reiki. Watching the passers by. La nouvelle entrée de KG Elephant, Crybaby, Assemblage Requis. Thérèse, tu voulais me parler de ta soirée d'hier. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas une soirée très, très palpitante. Là. Honnêtement, j'ai rien fait d'extravagant. J'allais rejoindre des amis qui étudiaient. Puis, y a une de mes amies qui m'a fait découvrir ce nouveau jeu sur Messenger qui se joue si on a un téléphone intelligent et les fameuses emojis. Parce que en fait, on va envoyer un ballon de basket à notre ami. Puis l'autre personne, en cliquant sur le ballon de basket, en gardant son doigt dessus, va vraiment adhérer au jeu. Donc, on va pouvoir jouer à ça. Puis c'est vraiment une question de pointage. Là, j'ai passé la soirée à essayer de battre, un, mon propre record, deux, le record de mon ami. Fait que je me suis couchée vraiment tard à cause de ça. Tu te fais vieille, hein? Je me fais vraiment vieille parce que rendez-vous compte que j'ai snoozé à peu près 7 fois ce matin. Pour te lever à quelle heure, finalement? Pour me lever à 6 heures et je m'étais couchée simplement à minuit et demi, mais j'étais vidée. Aïe, aïe. Moi, je me fais encore plus vieux que toi pour te relancer le ballon dans le panier direct. Je me suis endormi vers les 8h30 dans le divan. Je me suis réveillé à comme, je pense, minuit dans ces coins-là. OK. Je suis retourné dans mon lit, je suis en train de me coucher. Ah, ça fait bien. On est rendu à l'âge où que dormir tôt, c'est un must. C'est ça, mais je pense qu'on va pouvoir récupérer notre sommeil bientôt. Je pense aussi. On vous en reparlera. Maintenant, c'est le moment de s'acheter des gadgets sur Internet. Oui, pendant qu'on a encore de l'argent qui rentre. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un petit bloc thématique. On l'a déjà fait une fois, ce bloc thématique-là. C'est un bloc thématique cuisine. Oui, ben oui. Donc, on va s'acheter des choses pour faire à manger, des choses pour manger, des choses à manger, des choses à boire, des trucs comme ça. Ça devrait être quand même assez sympathique. Les liens, évidemment, je vous le rappelle toujours, sont sur assemblagerequis.com. On les fait dans l'ordre qui sont présentés sur la page de l'émission d'aujourd'hui. On parle donc du mercredi 23 mars 2016. Lâche ton jeu de basketball. Ah, c'est terrible. C'est addictif. Il y a quelques années, c'était Candy Crush pour certains. Je connaissais pas Candy Crush, là, c'est le petit jeu de basket. On rappelle l'instruction, c'est t'envoies un ballon de basket à quelqu'un, l'autre personne doit toucher le ballon de basket, le tenir. Exactement. Ça part le jeu. Il en reste, ils vont pouvoir faire du ping-pong, du baseball, du hockey, parce qu'il y a les icônes de pas mal tous les sports. Mais je pense pas qu'on puisse. Non, mais un jour. Ah, peut-être. C'est quand même Facebook qui a programmé ça. Hein? J'aimerais ça qu'il fasse avec le soccer. Ah, ben tu vois, chacun son sport. Hein? Il devrait le faire aussi avec les sandwichs ou les affaires comme ça, juste pour manger, genre. Tu l'envoies dans la bouche à quelqu'un. Bref, parlant de... C'est un bloc thématique, faut bien que je ramène ça à la cuisine quand même. Commençons avec un bol très intelligent pour les gens qui aiment manger des pistaches. Je t'ai vu hier, tu t'es pris une barre biscottie à déjeuner, tu t'as demandé celle avec les pistaches dedans, donc ça pourrait t'aider. C'est un bol pour faciliter la distribution des noix ou des trucs qui sont en coquille, et ensuite pouvoir jeter les coquilles dans le bol lui-même. Ah, tellement! Donc, je t'explique, le bol est un petit peu en forme de fleur, si on veut, donc il y a les côtés qui sortent un petit peu, et à l'intérieur de ça, t'as un bol dans le bol, et les côtés qui sont de la fleur, si on veut, sont des trous qui mènent en dessous du bol. Donc, tu mets à l'intérieur du petit bol les pistaches, tu les déballes, hein, et tu jettes tes coquilles dans la fleur. Je trouve ça vraiment intelligent. Double design, si on veut. $17.38. C'est sur Amazon.com en ce moment. Et puis, il y en a encore de disponible, une quinzaine de dollars américains. C'est pas cher pour un beau bol. Et il l'a, celui-là en plusieurs couleurs. Moi, je le vois en vert ici. Il l'a aussi en gris. Voilà. Oh. Le gris est particulièrement beau, à mon avis. Ensuite... Panasonic va sortir le premier four à induction qui va sur le comptoir. Ah. Oui, Panasonic va changer votre vie d'appartement. On aime bien les grands fours pour faire cuire les choses par induction à des gros fourneaux. Oui. Hein? Mais ça, Colin, c'est gros pour rien quand t'as juste quelque chose de petit à faire cuire. Donc, le Countertop Induction Oven de Panasonic va utiliser les 40 ans d'histoire, d'innovation, d'induction et de technologie de chauffage, de réchauffement. Donc, ça va griller, faire cuire, rôtir, réchauffer. Et ça a besoin de presque aucun préchauffement. Et ça va donner des repas parfaitement cuits, nous dit-il. Les options pré-paramétrées, donc des presets, température ajustable. Et on dit que ça va enlever tout le pouvoir cervical et que tu as besoin de réfléchir pour faire cuire tes steaks et autres poulets et légumes en même temps. Ça va donner quelque chose de plus délicieux, croustillant à l'extérieur et tendre humide à l'intérieur. Mais c'est intéressant quand même. Absolument. Appareil compact qui va offrir la même efficacité, le même niveau de sécurité que leur four à induction normal. Donc voilà, information sur les prix et sur la disponibilité à venir, mais on s'attend à ce que ça sorte en octobre 2016. C'est Panasonic. Ensuite... C'est pas dans très très long. C'est pas dans trop long, ça risque d'être cher par contre au début. Ouais, sûrement. Ensuite, pour ceux qui aiment se faire cuire des pâtes ou des trucs dans un chaudron et vous détestez avoir à mettre le couvercle sur le poêle... Ah, tellement. Ça fait des marques de sauce, etc., etc. Ben là, à un moment donné, où est-ce que tu veux le mettre? Il y en a qui vont faire cuire leurs affaires sans mettre le couvercle et c'est pas aussi efficace. Donc, c'est le Pot Lid Rack Holder. Voilà. Donc, c'est un appareil assez intelligent qui attache le couvercle au rebord de votre chaudron. Donc, le truc s'attache au rebord et le couvercle part dans les airs en ne touchant pas au chaudron. Donc, quand même assez fort. C'est parfait aussi pour mettre... Il y a la même chose pour mettre la cuillère ou la louche. Donc, ça se pointe sur le côté du chaudron. C'est fait en métal ou en tout cas en acier ou quelque chose comme ça. Et c'est pas supposé endommager votre chaudron non plus. C'est sur Kickstarter en ce moment, donc c'est pas nécessairement disponible. Ce sera pas nécessairement dans le futur. Mais on est rendu à 19 300$ sur 3 500$. Ça s'appelle le Lid Sitter. L-I-D-S-I-T-T-E-R. Une nouvelle façon d'organiser votre cuisine, disent-ils. Ça peut aussi tenir votre iPad, tablette, livre de cuisine sur votre comptoir pour permettre à la louche de s'asseoir sur le contour. J'avoue. Eh ben, c'est déjà quand même. Ensuite, ça s'appelle le Slot Dog. Le Slot Dog, Tania, c'est... Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Un trancheur à dog en criss-cross, donc en genre de petit chassé croisé, en petit quadrillé si on veut. Donc le Slot Dog qui fait un pattern, qui tranche un pattern dans vos saucisses à dog, leur permettant de griller plus rapidement, de goûter meilleur, okay? D'avoir des côtés un petit peu caramélisés parce que ça va réussir à faire des coins. Ah, dans ben les slots. Hein? Ça va mieux tenir vos condiments dans votre hot dog aussi. Ça va agripper mieux à votre pain. Et ça va être juste plus beau aussi pour les enfants, peut-être, avec un genre de... On dirait qu'il y a comme des écailles dessus, comme un alligator, dinosaure ou dragon, quelque chose comme ça. Donc, prenez votre saucisse préférée, vous appuyez le slot dog de chaque côté et vous faites griller jusqu'à ce que la slot prenne de l'expansion et que tout devienne super croustillant. Ah, que c'est merveilleux ça pour l'été qui s'en vient un jour, peut-être. Donc, les slot dogs... Ensuite, un distributeur à vin moderne. Oh! Tu sais, les espèces de trucs à vin en carton, là? Oui, les espèces de carafes, oui, là, c'est qu'on appelle. Mais ça, c'est souvent du vin cheap. En tout cas, il y a du vin cheap qui est disponible là-dedans. Pour garder votre jus de raisin fermenté bien frais, bien longtemps après l'avoir ouvert, vous pouvez le placer à l'intérieur de ce distributeur à vin moderne, capable de contenir jusqu'à 3 litres de vin. Et c'est fait pour garder votre vin bien frais jusqu'à 6 semaines après avoir versé votre première coupe. Évidemment, c'est un distributeur donc en métal style acier inoxydable. Oui. Ça ressemble un peu à une poubelle, je trouve. C'est vrai, hein? Ouais, avec une poignée sur les côtés pour le transporter. Tu mets ta coupe de vin en dessous du bec verseur, un peu comme une machine à café dans un dépanneur, je trouve. Et tu appuies sur le bouton, ça descend. 76,69$, mais pour du vin qui dure jusqu'à 6 semaines à la place de 3-4 jours, c'est quand même pas si pire. Ça s'appelle le Boxel. Box Wine Dispenser, donc Boxel, c'est B-O-X-X-L-E. C'est bon ça, c'est une bonne idée, je trouve. Absolument. Tentons de parler de saucisses qui allaient être plus croustillantes en faisant des slots dedans. Ouais. Slots dans saucisses, je veux dire, ouais, c'est ça. Slots dans saucisses, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ici, c'est pour faire des brownies, un peu dans le même sens, avec le plus de coins possible. S'il y a quelque chose qui est bon dans la vie, c'est bien coin de tarte, coin de pâté à viande, coin de muffin. Quoi de brownie. Donc, c'est le Bakelicious qui... non, c'est la compagnie Bakelicious qui vend le Crispy Corner Brownie Pan pour 18$. Ça a fait de chaque brownie un brownie avec 4 coins croustillants. Tout le monde va avoir droit ça. À un coin. Tellement facile. Et en plus, ben, y a comme... dans le fond, c'est pas séparé en portions de brownie. Tu peux vraiment prendre un quadrilatère, un 4x4. Ouais. Dans le fond, le moule... imaginez-vous un moule à muffin. Sauf qu'à la place d'être découpé de bloc en bloc, c'est vraiment une grande surface avec des points de séparation dans le milieu. Donc ça va faire... Tu peux diviser à ces coins-là, mais t'es pas obligé de séparer à ces coins-là. Bon, c'est un peu difficile à expliquer à l'oral, mais vous allez avoir un nombre incroyable de coins. 1, 2, 3, 4, 5, minimum 5 coins à manger par petit bout de brownie. Ouais. Ensuite, on retourne sur le poêle, hein, avec le 3-section frying pan. C'est pour faire votre déjeuner d'un coup sec. Hein. Faites cuire votre déjeuner bien équilibré comme des œufs, des saucisses, des légumes, dans la même poêle, séparé en tiers, avec un tiers plus grand que l'autre parce que c'est un rond. Mm-hmm. Donc on a vraiment la poêle en forme de rond. Le milieu est divisé par ses côtés. Ouais. Donc tu vas avoir 3 sections. Le milieu est fait pour les œufs parce que bon, t'as plus de place, peut-être. Tu pourrais mettre des saucisses, tu pourrais mettre du bacon d'un côté, tu pourrais mettre des légumes, tu pourrais mettre, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais bien mettre là-dedans. Peut-être te faire cuire une demi-toast. Ah. Un coin de toast. Ah, ouais, ouais. Je suis pas sûr. Non, peut-être. Ben, moi, je pense que oui. 49,99$, quand même assez cher pour ça. C'est sur Amazon. C'est le Cute Z Cute 3-Section Non-Stick Frying Pan. Donc, Cute, C-U-T-E, Z-C-U-T-E. C'est par la compagnie Cute Z Cute. Drôle de nom et drôle d'apparence pour cette poêle aussi. Un peu jaune sur les côtés. Mais bon. Ensuite, c'est Slate. C'est la première balance portative intelligente pour la nutrition. Slate, une balance qui se connecte via Bluetooth à votre téléphone cellulaire. C'est un peu comme une diététicienne personnelle. Ça utilise une application mobile pour vous donner des informations nutritionnelles personnalisées. Par exemple, le nombre de calories de la nourriture, le poids, les macronutrients comme les gras, les protéines, glucides. Ça peut surveiller tout ce que vous mangez et ça va vous faire manger plus santé, plus rapidement, nous disent-ils. Le design portatif fait que c'est facile à transporter partout, que vous ayez en voyage, au travail, n'importe quoi. Donc, vous allez pouvoir tout savoir sur ce que vous mangez. Tu allumes le Slate, ça va automatiquement se synchroniser à votre téléphone. Ensuite, tu places la nourriture sur la balance et l'information nutritionnelle est écrite sur l'application juste après. J'imagine en lui disant qu'est-ce que c'est, je pense pas que ça peut se détecter que c'est des noix. J'imagine que l'application coûte quelque chose en quelque sorte. D'après moi, s'ils vendent la balance plus cher, peut-être que l'application au moins est gratuite. Espérons. J'espère pour eux. En fait, c'est sur le site thegadgetflow.com. Qu'on retrouve ça, thegadgetflow.com. Ça s'appelle la Slate Scale pour $45 américains pour la balance. Citer. Non, ça a bien du sens. Bien du sens. C'est un projet participatif. Ben ouais. Donc les gens peuvent mettre de l'argent dessus pour l'instant pour l'avoir un jour peut-être. Ensuite, quand même simple dans ce cas-ci, c'est des mitaines de four de Darth Vader en silicone. Hein, évidemment, ça n'a pas le choix de résister à la chaleur. C'est Darth Vader quand même. Donc, Darth Vader Silicone Oven Mitt, c'est fait de silicone épais. C'est très esthétiquement plaisant. Donc, avec le logo de l'Empire Galactique sur le dessus, sur la paume. Pardon, sur la paume, donc le dessus. Il y a un trou pour les accrocher sur le mur. Ça vient en modèle pour droitier. Et il y a aussi des petits monts et vallées pour mieux accrocher les affaires, pour pas que les choses glissent. Il y a des petits ridges, des petits ruffles sur le bout des doigts. Voilà. Ensuite, cette sauce piquante porte un nom particulier qui pourrait vous donner envie de l'essayer. C'est la sauce Shit the Bed. Shit the Bed. Bunter's Fresh Avant. C'est une sauce Shit the Bed. Donc oui, faites vos besoins dans votre lit. Et pour $13 par bouteille, c'est quelque chose que vous allez manger qui va être tellement épicé que ça va vous donner des refoulements. Si on veut. Des mots de ventre. Des mots de ventre qui vont peut-être mal sortir. Est-ce que t'as vu comment c'est fort? C'est marqué 12 sur 10. Ouais, 12 sur 10. Bon, c'est sûr que l'échelle en tant que telle, je pense pas qu'elle se rende jusqu'à 12 sur 10, mais ils disent qu'elle est encore plus piquante que nécessaire. C'est de la sauce piquante avec de la saveur, disent-ils. Hot Sauce with Flavor de la compagnie Bunsters. $13 sur le lien sur assemblagerequis.com, bien sûr. Américain, $13 en bas. Ensuite, vous aimeriez pouvoir faire cuire votre pizza au micro-ondes, mais qu'elle soit aussi croustillante que dans le four. Ouais. Donc, assurez-vous que vos tranches restantes, là, c'est pas pour une pizza que tu viens d'acheter que tu veux mettre dans le four. C'est pour une pizza que tu aurais déjà fait cuire au four. Ouais. Donc, assurez-vous qu'elle soit aussi bonne que lors de soit leur livraison ou lorsque vous l'avez fait cuire en la faisant chauffer dans ce microwave pizza pan. C'est fait pour réchauffer en fait les tranches du bas en haut pour que la croûte reste croustillante, qu'elle ne soit jamais détrempée sans faire surcuire le fromage ou encore les garnitures. C'est sur Kickstarter en ce moment. Ils sont rendus... Ah! Le projet n'a pas été financé, je m'excuse. 12 602 sur 47 500, ça me surprend par contre, parce que sur Internet, c'est quelque chose qui est bien populaire, c'est les restants de pizza. Ah, vraiment? La pizza en général, point. Ouais. Il y avait un beau petit couvercle, tout ça, c'était super bien fait. Mais malheureusement, ils ne sont pas rendus, mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Leur site web est encore actif, c'est sur reheatza.com. Reheat comme réchauffer, là. Za comme une pizza, .com. Ils disent que les précommandes vont commencer officiellement en mars 2016. Donc, à moins que ce soit... Parfait. Donc, apparemment, sur leur Kickstarter, ça dit l'objectif n'a pas été atteint en novembre. Ils vont le repartir en mars. Ah, OK. Donc, mars, restez à l'écoute. C'est ça, le lien est sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Ensuite, pour ceux qui aiment s'accompagner dans leur buvage d'alcool, je sais que tu suis tout le temps tes amis qui étudient dans un bar. Je sais pas comment ils font pour étudier dans un bar, mais bon. Que voulez-vous? Vous pourriez boire ensemble pour vous donner du courage, peut-être, avec les Wingman Shot Glass. Laissez personne derrière avec ce shooter double. Un shooter et un autre shooter rattaché par du verre, donc c'est vraiment fait en verre. Et l'alcool passe d'un côté à l'autre pour que les deux puissent boire en même temps. Ça coûte $8 par verre. Vous allez partager votre soirée bien arrosée, voilà. pour 9 $ américains. C'est simple parce que tu verses d'un seul côté. Mais ça doit être difficile, par exemple, si vous ne buvez pas vraiment... si vous n'êtes pas à la même hauteur. Ben le milieu en tant que tel, il n'est pas vide sur le dessus. C'est un tube dans le milieu. Ouais. Donc, dans le fond, le tube va vers les deux côtés. Les deux doivent faire bon 3, 2, 1 et là, on boit, on cale le shooter. Oui, c'est ça. Il faut vraiment y aller en même temps. C'est ça. C'est plus qu'un shooter parce que tu as le liquide du milieu aussi que tu as à boire à un moment donné là-dedans. Et ça se défait en deux pour être facile à nettoyer. Voilà. 9 $ américains. Ensuite, c'est le briefcase barbecue. Pour faire du barbecue n'importe où, hein? Plus facile à transporter grâce au briefcase barbecue. Exactement. Donc, ayez l'air d'un homme d'affaires lorsque la valise est fermée et ayez l'air d'un homme de barbecue, d'une femme de barbecue qui aime sa viande bien cuite avec ce gadget qui garde votre grill bien incognito jusqu'à ce que ce soit le moment de cuisiner. Ça mesure 12 pouces et demi de hauteur par 8 pouces... Non, oui, c'est ça. Par 8 pouces et 3 quarts de largeur et 2 pouces et 3 quarts de profondeur. Ça pèse 4 livres. Ça utilise du charbon. Donc, il va falloir transporter ça aussi. C'est un petit peu dommage. Il va falloir avoir une deuxième valise juste pour le charbon. Ça coûte 79 $ américains. Mais pouvoir griller les choses dans sa valise, ça reste quand même assez fancy. Ça a l'air d'une valise du banquier. Ça n'a pas une valise d'affaires. Non. C'est pas en cuir. Ça a l'air d'une valise dans les films d'action scientifique, là, ou qui ont volé quelque chose dans un centre genre de moléculaire ou quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, c'est le Meld. C'est une poignée intelligente qui va s'occuper de la cuisson sur votre poêle et dans votre fourneau. À moins que vous soyez un chef personnel, faire cuire la nourriture à la bonne température, ça peut être difficile, surtout dans un fourneau sur le four. Évidemment, les fours vous permettent de choisir la bonne température, mais sur un rond, ça vous demande de l'ajustement qui n'est pas précis. Les chiffres sont un petit peu approximatifs. Des fois, les boutons vont pouvoir accoter à chaque chiffre. Mais ça reste que moi, j'ai pas eu de four qui avait ça jusqu'à maintenant. Donc, le Smart Knob, ça se met sur votre four électrique ou à gaz. OK. Ça va automatiquement surveiller et ajuster la température via une application, évidemment, sur votre téléphone cellulaire. Ça s'appelle The Meld. C'est sur Kickstarter. Et ils ont quand même devancé pas mal leur but, je crois, aux dernières nouvelles. On est rendu à... ça a déjà été accompli. 1550 personnes ont engagé 209 688 $ sur ce projet-là du Meld qui upgrade ou met à niveau votre four. Donc le produit lui-même est trois composantes. T'as le bouton qui va mécaniquement contrôler la température du rond avec un moteur qui fonctionne par pile. T'as un thermomètre qui va s'accrocher à votre chaudron, votre poêle. Et pour mesurer la température, ça va envoyer l'application, les données à votre sans fil à votre bouton qui va être connecté sur iOS ou Android et ça va vous permettre de contrôler à distance la température ou choisir des températures pour des recettes avec des presets dans le fond, des trucs pré-personnalisés. Le Meld est donc pas trop cher, c'était pour 99 $, juste avant que la date limite soit atteinte. Le prix normal pour la vente sera de 150 $. Et voilà, c'est donc le Meld sur Kickstarter. Ensuite, c'est le Chef Pop and Top. C'est un popcorn popper et bol qui est réutilisable et qui va au micro-ondes. C'est vraiment super cool. Donc, si vous voulez économiser de l'argent et faire votre propre popcorn à la maison, sans aucune huile, il vous faut le Chef and Pop Top. Donc, on remplit le réservoir de cette machine. Pas machine. C'est ce bol de popcorn en silicone. Bon. Ouais, vous ajoutez du beurre ou de l'huile si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pliez ça, c'est un peu comme de l'origami. Vraiment, par exemple? On pourrait le décrire un petit peu visuellement. Là, c'est t'as le dessous qui ressemble à un bol et le dessus, c'est vraiment comme un origami plié en triangle. Et tu peux refermer le dessus pour faire que le popcorn. Et ensuite, quand t'as besoin de faire le bol, tu défais l'origami avec les deux petits embouts, les deux petites coches. Mais j'ai comme l'impression que c'est quand même très facile à utiliser à cause justement des deux petits embouts. Exactement, et t'as pas besoin de couvercle, absolument rien. Tu mets en micro-ondes pendant 2 minutes et alors que le popcorn pop, le couvercle va lui-même se déplier un petit peu. Et on peut mettre jusqu'à 10 tasses de popcorn et ça va se doubler évidemment en bol pour servir le popcorn une fois terminé. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ça ressemble à un produit d'infopub, mais en même temps, moi, ça me titille pas mal, ce bol-là de popcorn. En silicone, en plus. Je trouve que le silicone, c'est cool, mais c'est difficile à laver. Ah, ouais, t'as pas tort. Je déteste laver les trucs. Les moules à muffins en silicone sont les pires à laver. Oui. Ensuite, ça, c'est un peu n'importe quoi. C'est une grosse dent de requin, mais en chocolat. OK. Un requin mégalodon. Donc, mangez du chocolat et faites-vous des caries avec une dent de requin. C'est tout ce qu'il y a à dire, 16$. Cette dent de prédateur de 7 pouces recréée en chocolat au lait. Juste pour vous. Ah tiens, le 16$ pour une dent en chocolat. De 7 pouces. Hey, wouhou! Ben, c'est 7, c'est 15, 16$. 16$ américains. Il y en a 225 de disponibles sur fossilera.com. Oh my god. Ensuite, on revient au vin un peu avec une coupe de vin avec paille. Mm. Un sippy cup, si on veut, pour les adultes. Donc, on vend ça. C'est les Enophilia Porto Sippers avec une paille intégrée. Donc, pour les alcooliques en vous. Ouais. Donc, c'est des coupes de vin. Vous pouvez faire semblant que vous êtes un enfant ou encore essayer d'avoir l'air d'avoir de la classe avec votre paille. Je pense que ça va fonctionner. Un ensemble de 4 coupes pour 40$ américains. C'est sur Amazon en ce moment. Il y en a en paquet de 4 et en paquet de 2. Enophilia, O-E-N-O-L-P-H-I-L-I-A. Porto Sippers. C'est fait pour le Porto. Crème, leur coupe est pas mal remplie pour du Porto, je trouve. Ensuite, est-ce que t'aimes les Starburst? Oh mon dieu, oui! Les bonbons mâchouillants qui font mal aux dents quand ils caillent. Hein? T'es-tu sérieux? Oui, seulement des Starburst au citron. Oh mais... mon dieu, moi c'est mes préférés. Ah ben tu vois, ça, tu dois pas être la seule. Et moi tu me surprends tout le temps quand tu m'as dit que tu ressentais pas le petit titillement dans les joues quand tu manges du citron. Mm-hmm. Tu sais, le petit pincement des joues qu'on a d'habitude quand on mange du citron, toi tu le sens pas apparemment. Ben pas tout le temps. Ouais. Moi c'est à chaque fois, c'est immanquable. Ah ouais? Avant même d'avoir avalé, là. C'est tout de suite instantané. Donc bref, le citron est la saveur préférée de bien des gens chez Starburst. Peut-être en avez-vous besoin d'une livre au complet, hein? Et sans avoir à acheter des sacs et des sacs de Starburst pour choisir les... choisir celle au citron. Bref, une livre de Just... il y a aussi Just Strawberry Starburst, juste aux fraises. Ça coûte plus d'argent que celle au citron. 6$ de plus, en fait, que celle au citron. Donc, une livre de Starburst au citron. Combien est-ce que ça coûte sur Amazon? 8,61$ américains, évidemment. Et 17,14$ pour la livre de fraises. Ah, plus pire. Ça dépend des goûts, faut croire. Ouais. Ensuite, on va parler de Jell-O un peu avec un Jell-O Shot Maker. Eh boy. Ouais, c'est le Jell-O Automated Jell-O and Edible Shot Maker, une machine qui est capable de faire 20 shooters de Jell-O en aussi peu que 10 minutes. C'est un peu comme une machine Keurig. Ça sert 20 personnes à la place de servir une seule personne. Ça utilise des pods de gélatine qu'on va combiner avec son choix de vodka ou autre liqueur pour créer un assortiment de shooters. On envoie ça principalement au bar. Ça pourrait être très bon pour les utilisateurs à la maison aussi. Donc, on a 20 shooters de Jell-O à la fois. On a une interface à écran tactile, mm-hmm. un système de nettoyage automatique, le liquide de 50 onces, donc la capacité de 50 onces pour verser votre propre vodka. Parfait pour les bars, je trouve vraiment très bien. Ou si vous êtes vraiment le genre à vraiment triper ces shooters de Jell-O. Oui, c'est ça, tout seul dans votre salle. On vous respecte quand même. La page du produit est sur jevomaker.com, J-E-V-O-Maker.com. Voilà, donc Jevo Automated Gelatin Shot Maker. On va arrêter ici, prendre une petite pause au retour. Sébastien F. Gertin et sa chronique Bulletin Gertin. À son âge requis. À tantôt. À tantôt. Pour toi aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Bon retour, toujours à Assemblage Reiki. On est mercredi 23 mars 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Encore sur le basketball. Ben oui, hey, j'ai failli battre mon record. T'es rendu à combien? 24. Mais c'est parce qu'il faut savoir. Ça veut rien dire pour moi, j'ai pas encore joué. Il faut savoir qu'il est rendu à 10. Là, le panier, il bouge. Okay. Puis rendu à 20, il bouge de plus en plus vite. Wow. Ouais, c'est très difficile. Puis en plus, c'est un tout petit iPhone. Oui, oui, oui, vraiment. C'est difficile de jouer sur un aussi petit écran. Je sais. Tiens, celui qui n'a pas un grand écran en fait, il vous ouvre un écran vers le monde. Ça, c'est bien dit. Voici Sébastien Gertin et son bulletin Gertin.

plus à jeudi 13h, je te dirais. Jeudi 13h pour l'émission La sortie de secours est à votre gauche avec toi et Lucas Hubert. On prend une pause. Au retour, ce sera Frédéric Bernard et sa chronique Google Globe. Restez avec nous. Sondage requis pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou. 89. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Toujours Assemblage requis en ce mercredi 23 mars 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques minutes, ce sera Frédéric Bernard et sa chronique Google Globe. On va parcourir Internet, on va poser une question, on va y répondre le mieux que l'on peut. Hein? Mm-hmm. Alors, on a aussi des invités spéciaux en fin d'émission, donc une grosse dernière portion d'émission, pénultième portion. Ah! Oh. Qui débute en musique avec Laurence Nerbonne. Voici Montréal XO. Ça, c'est fou. 89. FM. Je reviens chez moi. Oui, je sais, j'ai pas trop changé. Y'a l'odeur de la pluie sur les rues qui m'attend. Je reviens, la vie n'a pas changé. Je reviens chez moi. Je reviens, cette fois fais mon entrée. Y'a l'effet sur mon cœur qui m'attend. Laurence Nerbonne, la pièce Montréal XO à assemblage requis. Avant de continuer avec la chronique de Frédéric Bernard, on m'avance le message. En fait, c'est Sébastien Vigartin qui nous demande de passer le message que Jean-Marie Le Pen n'est pas mort encore. Ah, okay. Il a reçu comme 4 messages pendant sa chronique. Je pense que ça vaut la peine de le dire. Maintenant, on accueille, comme je disais, c'est Frédéric Bernard, oui, qu'on accueille à l'instant. Voici sa chronique Google Globe, avec un petit délai, je pense. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Léger délai. Ça va aller. Voilà, tout de suite. C'est Google Globe avec Frédéric Bernard. Bonjour à toi, Frédéric. Bonjour, Mathieu. Ça va bien? Ouais, comme ça, Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. Est-ce que tu savais? En effet. Non. Donc, Google Globe, c'est la chronique dans laquelle on pose une question à Internet. On essaie d'y répondre. Oui. Pour y répondre. J'ai posé plus d'une question cette semaine. Ouais, hein? Oui. Ben, j'étais très inspiré. J'ai vu ça. Ah, c'est l'autre de tes chroniques spéciales en vrac, si je comprends bien. Oui, alors c'est, je l'ai fait une fois, alors faire un vrac de toutes ces petites questions dont on n'a pas assez de résultats de recherche, ouais, pour faire une émission complète. Alors, j'ai été dans des questions un peu plus absurdes pour essayer de voir qu'est-ce qui allait en sortir. Alors, j'ai posé quelques questions. Je pense en a posé 5. Bon, ben, 5 questions, c'est quand même pas si pire. Et voilà, 5 questions. Moi, j'adore. Je trouve que t'aurais pu en mettre 6. Oui. Juste pour ambitionner un peu. On pourrait en faire une en nombre. L'imaginer. Donc, c'est plusieurs questions que j'ai posées à Google pour essayer de me former à la vie en général. Ah, c'est bien passé. OK. Donc, oui. se former à la vie. Que veux-tu dire par se former à la vie? Ben, en général, faut dire que moi, ça veut pas dire grand-chose. Tout ce que je fais me forme à la vie. Alors, quand je me suis parce que t'as 12 ans, faut le rappeler. Ça. Oui, c'est ça. Ben, oui, c'est ça. J'aime beaucoup ça. Donc, si on commence, par exemple, la première question que j'ai posée. Que sentent réellement les odeurs? Aimes-tu les odeurs, Mathieu? Ça n'est pas lesquelles. Mon odeur préférée est celle des crayons Sharpie. C'est vrai! Oh! C'est pas toi qui disais ça l'autre jour? Ça sent fort, mais j'aime bien quand même. Est-ce que tu faisais ça quand t'étais plus jeune, sentir tes crayons? Ben, tu sais, les crayons qui sentaient le popcorn ou les fraises, oui, c'était quelque chose que j'aimais. Il me semble que j'ai lu, ou c'est sur des crayons eux-mêmes que j'ai vu, des crayons à odeur, Sharpie. Mm-hmm. Popcorn, cerise, puis tout ça. Et dessus, c'est marqué « ne pas inhaler ». Ah! C'est pour ça comme la drogue. Ouais, je suis comme... Mais c'est pas ça le but? Mais ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'ils veulent pas que les gens, tu sais, vraiment passent leur temps à comme ouvrir le crayon et juste sniffer. Ouais, crayon. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais je trouvais ça quand même ironique. Dans le fond, le premier lien que j'ai trouvé, c'est sur les huiles essentielles. Ah, c'est pour ça que la question s'est posée. Oui, c'est pour ça, parce que je trouvais des liens. Parce que, non, tu sais, quelque chose que je déteste dans la vie, c'est, passer devant un loche. Tu sais, le truc de savon. Un loche? Oui, parce que ce sont toutes les odeurs en même temps. Ça, c'est dégueulasse. Mais les huiles essentielles, je trouve ça cool. Comme, mettons, de la vanille intense, mais mm-hmm. diluée, c'est bien. Mais un loche, on s'entend, il y en avait un aux rivières, oui, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Mais là, il n'est plus là. Non, on a une chance, parce que maintenant, je peux traverser le mail et la foire alimentaire, et à la place d'avoir des odeurs de savon, j'ai l'odeur des repas qu'il y a à la foire alimentaire. Ah, t'aimes mieux ça comme ça? Oui. Tu sais, tu peux mélanger plusieurs saveurs de nourriture ensemble, ça me va. OK. Pas d'odeur de savon. Non, savon, propre. Nourriture, non. Ça te... Moi, au début, quand j'étais petit, je pensais que c'était un gâteau, ce magasin. Honnêtement, moi, je pensais que ça se mangeait. Ouais. Ouais, mais non. Tout le monde passait ça à un certain point dans leur vie, je pense. Ouais. Premier lien. Oui. Donc, sur les huiles essentielles, alors, c'est un lien de Canal Vie. Ah, tu sais comment me convaincre. Tu sais comment me convaincre. T'as mis un article avec une jolie rousse. Oui, qui sent des fleurs. Ah, c'est il sait comment te prendre par les émotions. C'est l'émotion. Donc, alors, c'est un article de Canal Vie qui nous parle des huiles essentielles, des bienfaits des huiles essentielles sur nous, sur notre tempérament, notre comportement. il y a des études. Et c'est ça qui est drôle quand on lit l'article. Ils disent, il y a des études, mais on sait pas. Oui, non, il y a des effets des huiles essentielles. On n'est pas sûr encore. C'est à prendre avec des pincettes. Mais au cas où, voici des effets qu'on pense peut-être à certaines huiles essentielles qui pourraient avoir sur nous. C'est pas clair ce que je dis, mais c'est un peu comment je me ressent, comment je me sentais quand j'ai lu l'article. Genre aphrodisiaque, des trucs comme ça, là. Oui, oui, c'est ouais, ça, mettons, c'est ça. Donc, mais ça va comme exemple, le jasmin, c'est aphrodisiaque, saviez-vous ça? Ben, c'est relaxant, mais aphrodisiaque. C'est pas contradictoire un peu? Non, aphrodisiaque, ouais, ça peut être... Non, tu peux être relaxé et avoir envie de sexe, quand même. Ouais, oui, OK, je suis d'accord. Comme le vin rouge, finalement. C'est la même affaire. Ben, les relaxants musculaires, il élimine le mal de transport, j'aime ça. Citron, c'est cool. Oui, mais le gingembre, si tu veux quelque chose d'un peu paradoxal, aphrodisiaque et relaxant musculaire. Oui. Ben, ça dépend. Non, mais tu sais... Ça dépend quel muscle. On parle comme ça, là. Ouais, OK. On parle. Combat les baisses d'énergie et de libido. En plus, intéressant. Ça combat... Ben, c'est ça, c'est aphrodisiaque. Si ça combat les baisses de libido, ça veut dire que t'as une montée de libido quand tu prends du gingembre. Ça te monte le libido. Ça te monte le libido. Mmh. Puis le citron élimine les mal de transport. Je trouve ça quand même intéressant. Ouais, on sort tout le temps des espèces de... j'y crois, ça, au citron, mal de transport. Je sais pas pourquoi. On prend tout le temps une tisane avec du citron. Ben, en tout cas, je sais pas pour vous. Non, rarement. Tania, tisane pas mal. À prendre une tisane tous les jours, Tania. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, t'es une... Je prends plus qu'une tisane par jour. Mais ouais, j'essaie de diminuer mon taux de caféine dans mon corps, en fait. OK, c'est pour ça que tu prends des tisanes. Pas parce que t'as remarqué que... Elle avait des palpitations. Ouais, j'avais des palpitations cardiaques à force de boire trop de café. Ah! Faut dire que Mathieu et moi, on boit beaucoup de café. Vraiment beaucoup. Comme vraiment beaucoup. Ouais. Fait qu'à un certain point, j'ai commencé à diminuer. Je suis dû, là, je le sens que je suis dû. Ouais, mettons, ouais, ouais. Mettons qu'on parle comme en paquet de cigarettes, combien de café par jour? Je sais pas, 4, 5, 5? Hey, ouais. Calvin, Caroline. Ben, 2 l'avant-midi, 2 l'après-midi. Absolument, c'est pas mal ça. C'est 4. OK, c'est quel le café le plus tard que vous prenez? Ça m'arrive d'en prendre à 9h30 du soir. Oh non, non, non, non. Des fois, ça m'arrive d'en prendre à 6h, 6h30. Mettons, en revenant des palmarès, mettons, si je veux réussir à toffer toute la soirée, il me faut un café. Selon, selon les sites de santé, le dernier café devrait être pris pas plus tard que 3h. 3h, j'en prends au moins 2 après 3h. Mon Dieu! Parce que le temps que ton corps élimine le café, en fait, ça nuit à ton sommeil. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est pour ça que je suis fatiguée comme ça. Hein? Là, on le sait. Là, maintenant... Plein de surprises comme ça. On parlait des huiles essentielles et paf! Sans avertissement, café. Café. Tout revient au café avec nous. Savez-vous c'est quoi? Attendez, je vais le retrouver. Parce qu'ils nomment dans les huiles essentielles, si on vient dedans, bon, de l'amande poivrée, de l'orange, de la lavande et du... Yang-lang. Faudrait demander à une Asiatique ou à un Asiatique. C'est sûr qu'ils savent ça. Oh, je me détache de ce commentaire. Ouais, c'est ça. Vas-y, gère ça. C'est pour ça que selon Tania, les Asiatiques ne tombent jamais malades. Oui. Et quoi d'autre aussi? Je m'excuse auprès de mes amis asiatiques, mais ils savent que je les aime. Mais non, mais ça sonne japonais, ça sonne asiatique. Mais oui, là, c'est, c'est vrai que ça sonne asiatique. Là. Comme c'est sans doute une plante, si ça se trouve finalement, c'est au Moyen-Orient c'est comme plante. C'est euphorisant, antistressant. C'est un stimulant sexuel. C'est un arbre de la famille des Ananacées, originaire d'Asie du Sud-Est. Boum! Ah, bon, OK, c'est correct. Correct. Je le savais! Sinon, toi, Tania. Oui? Qu'est-ce que tu penses de l'odeur des vieilles personnes? Ça dépend lesquelles. C'est vrai que c'est caractéristique, hein? Mais ça dépend, ça dépend. C'est vraiment une question. On sait, en tout cas, on a déjà établi dans des précédentes émissions de l'Assemblage Hockey qu'elle les aime vieux. Mais jusqu'à quel âge peut-elle aller? Mais je dois avouer que, tu sais, exemple, vous rentrez dans une résidence de personnes âgées, là, vous allez voir votre grand-parent, vos grands-parents, ça sent la personne âgée. Ça sent les, ben, c'est parce que sûrement que ça sent les produits. Probablement, les... nettoyant ou quoi que ce soit. Ou, moi, je dois... Ça, c'est dégoûtant, Mathieu. Hey! Je vais te mettre à dos notre public non existant. Mais non! Mais je dois dire que... ça me déplaît pas, l'odeur de personnes âgées, parce qu'en temps normal, ils vont mettre du parfum. C'est plus c'est l'odeur. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'ils abusent du parfum, des fois. Des fois, oui, c'est ça. Il y a ces fameuses odeurs de parfum-là là, que tu dis, ça, là... Ça fait grand-maman un petit peu. T'as amené le mot menthe poivrée. Ils ont souvent des peppermans avec eux autres. C'est vrai. Ils ont tout le temps des bonbons. C'est vrai, ma grand-mère, elle avait tout le temps des peppermans. Mais au-delà du parfum en lui-même, il y a une étude selon le site Ubergismo. Ah, là, c'est fiable. Oh, wow. Ben, oui. Leur première section, c'est Buzz. C'est pas Uber oui, Gizmo? C'est comme Gizmo, Uber, le Gizmo, film. Gizmo, oui, ouais, ça doit être Uber Gizmo ouais. que ça se prononce. Bref, ils disent qu'il y a une étude qui prouverait que les personnes âgées ont vraiment une odeur différente. Comme une odeur les caractéristique. Chats. Oui, ouais, oui, comme les chats. Oui, les chats, tu leur sens dessus de la tête, c'est une odeur particulière. Les bébés, sinon. Oui, oui, ouais. ben les bébés, oui, ouais. les bébés chiots, les bébés chats ont une odeur particulière. Les bébés aussi ont une odeur particulière. À ce qui paraît, les bébés ont une odeur relaxante. Ah! Ah, est-ce que vous avez lu l'article? Je l'ai lu en diagonale. Moi, ce qui m'a intéressé plus, c'est quand j'ai vu la partie qu'ils ont fait des tests. Qu'est-ce que tu as oui, trouvé? Ils ont fait des tests. Ça serait simplement dû au processus du vieillissement. Ah, oui, il y a de lu, nombreuses ça. Études qui montrent que la chimie du corps évolue avec le temps jusqu'à produire un parfum qu'on pourrait décrire comme moisi. Moisi. Mm-hmm. Ce qui découlerait peut-être de certains médicaments que les personnes âgées prennent. Ah oui. Ah, ben oui, c'est logique. Il y a certains médicaments qui augmentent l'odeur corporelle, là, qui mais odeur de moisi. Oui, c'est comme ouais. le ylang-ylang moisi du sud-est. Mais les tests qu'ils ont fait, en fait, pour essayer de savoir si, selon le site toujours, savoir si les personnes qui étaient plus âgées avaient une odeur particulière, c'est qu'en fait, ils ont demandé à des gens de porter pendant 5 nuits un chandail. Bien sûr, entre-temps, mm-hmm. ils se lavaient, ils ne portaient pendant la nuit que ce chandail-là. Et ils utilisaient un savon sans odeur. Et ensuite, bon, ben, ils mettaient ça dans un pot puis ils demandaient aux gens de respirer ces pots-là pour savoir si, d'essayer d'identifier l'âge. Ça paye combien, ça? Oui, c'est ça, ça paye combien. Ça paye bien cher, ces tests-là. Fait qu'ils voulaient savoir si les gens pouvaient différencier l'âge, s'ils étaient capables de dire. Et en général, dans la majorité des cas, ils étaient capables de dire si cette personne-là était une personne plus âgée, mais pas capable de spécifier l'âge spécifique. Ensuite, c'était plus difficile pour ceux qui se retrouvaient dans un âge plus moyen, finalement. Ouais. Qui oh, se retrouvaient ouais. à 50 ans et moins. Donc, ça arrivait. J'avais même vu le même test dans un reportage à TV5. Pour ça que j'y crois un petit peu. Un petit test que c'était, on mettait des chandails dans un pot et on voulait savoir si les femmes allaient reconnaître un homme qui était reconnu socialement plus beau. Ah. À part l'odeur. Oh. Alors, et tristement, ben oui, ça marchait. Les femmes le reconnaissaient. Ouais, c'est, tu fais, bon, ben coudonc. Hein? C'est fait pour les prouver, phéromones ou les... Pour prouver que c'est plus relié à l'odeur qu'au physique au final. Prochain lien. C'est quoi une bonne, une mauvaise odeur dans le fond? Ouais. On parle de bonne, ouais. on parle d'odeur, on parle, bon, ben, il y a un site qui parle de moisi, bon, ok. Mais finalement, ça vient d'où? Pourquoi il y a certaines odeurs qui sont bonnes, mm-hmm. certaines odeurs qui sont mauvaises? Eh bien, selon le site. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà. .fr. J'aime ça le travail d'équipe. Donc, selon ce site-là, ces odeurs-là, ça serait logique, seraient une part culturelle. En fait, lorsqu'un bébé naît, il est vierge de toutes mauvaises et bonnes odeurs et c'est avec le temps qu'il développe que « Ah, ça, c'est une bonne odeur. Ah, la viande avariée, c'est une mauvaise odeur. » Mais t'es-tu en train de me dire qu'il y a du monde dans la vie qui aime ça sentir l'odeur de vomi, mettons? Ben, pas jusque-là, mais selon ce site-là, il montrait un bon exemple. J'ai fait une recherche, à ce qui paraît, ça semble se confirmer. Les Thaïlandais, par exemple, ne supportent aucunement l'odeur du fromage. Ah! Bon. L'odeur du fromage, ils sont incapables, alors que l'odeur... des poissons, mettons. Ouais, des poissons, mais c'était une viande vieillie, si je me rappelle bien de ce que j'ai... poisson fermenté. Ah. L'odeur du poisson fermenté, ça leur donne faim. Ah, alors, comme ça nous, ça pourrait envie. Nous repousser nous, un ça peu, nous dégoûte ouais. en général, l'odeur du poisson. Intéressant, ça. Ouais, très donc, intéressant. Alors, par rapport culturel. Ouais, j'aime ça. Autre question que j'ai posée à Google pour faire le tour et trouver finalement en tant qu'explorateur. Ouais. Comment adopter une bactérie? Ah, adopter une bactérie. Je l'avais fait avec une étoile. Oui, c'est vrai. Dans un vrac, justement. Alors, comment adopter une étoile? Tout. On avait répondu à ça. Ben, mettons que vous n'êtes pas très étoile. Ben, j'ai essayé de trouver comment adopter une bactérie. Alors, tu réussis, c'est ce qu'on va savoir. Oui, c'est ça. Elle a vraiment heureux. Oui. Ah, oh, ben tout le rend heureux. C'est Frédéric Bernard. Tellement expressif quand ça. Bon, alors le premier lien que j'ai trouvé, c'est en tout cas notre bactérie. On pourra peut-être pas nécessairement l'adopter, mais on va pouvoir la trouver dans nos sacs réutilisables. Ah ben. Lavez-vous vos sacs réutilisables, vous. Faudrait, mais non, pas tant. Les laver. Ben non, ceux en tissu, c'est plus facile à laver dans la laveuse. Mais les sacs en petit genre de plastique. Ouais, là. À moins qu'il y ait quelque chose qui coule dedans, non? Non, c'est ça. Mais c'est ça, ils disent sur ce site-là que les sacs réutilisables seraient, selon Santé Canada, un endroit propice aux bactéries. Il faudrait laver nos sacs réutilisables régulièrement. Tu es seul que ça le fait pas plus paniquer que ça? Ouais. Mais peut-être que tu devrais paniquer plus en lisant l'article, non? Ben c'est oui, je l'ai lu quand même. Ben c'est en gros, ils ne font que répéter que vu que différents aliments qu'on met à l'intérieur, c'est des aliments comme les viandes, alors des aliments, bon, les fruits et tout, que ce sont tous des vecteurs de bactéries. Ouais. Alors que ces bactéries-là, bon, ben ils peuvent se retrouver dans nos sacs si on les lave pas régulièrement, vu que c'est des aliments qui se retrouvent dedans. Même si les poissons et les viandes sont des fois emballés dans des sacs à part, avant d'être emballés dans votre sac d'épicerie, ça reste qu'il peut y avoir eu des coulements, quelquefois des coulis, des écoulements, des... Oui, des écoulements. Ouais, c'est ça. Oh, on va y aller avec ce mot-là. C'est moi, c'est ça. Est-ce que vous savez ce que l'on devrait faire? Tu sais, exemple, on arrive avec nos sacs d'épicerie, on va les déposer sur la table ou encore sur le plancher pour certaines personnes. Et là, ça dit qu'après avoir rangé les aliments et tout ça, il faudrait nettoyer là où les sacs ont été déposés. Bon. Ouais, ben regarde, c'est pour ça que je panique pas tant que ça. C'est ça. Si on devait paniquer pour tout ce qui devrait nous faire paniquer, on ferait plus grand-chose. Ah ouais, est-ce que vous saviez que près de 11 millions de cas de maladies d'origine alimentaire se produisent ici au Canada? Ouais, ça englobe tous les cas alimentaires, ça parle pas nécessairement de sacs. Ouais, c'est pas ça, que exact. Des sacs, tu sais, c'est facile comme ça là, de faire un article. Ouais, c'est facile. Hein, psychomedia.qc.ca. Oui. En ligne depuis 19 ans, ça veut pas dire qu'elle était plus bon que les autres. Hein? Non. Le prochain site que je vous donne, en fait, on reste un petit peu dans le même thème. Alors, toujours pour essayer d'adopter une bactérie. Alors, au moins, à défaut de l'adopter, on va la trouver. Ah. Alors, c'est un top 10 des endroits où on retrouve des bactéries. Ah non, encore de la peur. Ben oui, de la peur. Hein, ce n'est que basé là-dessus, aussitôt que tu marques le mot bactérie sur Internet. C'est ça. Alors, ce site-là, en fait, même que je me trouve très drôle parce que je marque tout le temps le lien et à côté un petit mot, une petite phrase pour essayer de le reconnaître. Moi, j'ai juste marqué top 10 bactéries encerclées. Encerclées, point d'exclamation. Je trouve que ça dit tout. Alors, l'éponge et les chiffons, évidemment. Ben oui. Ben oui, tu sais, c'est juste quand ça sent mauvais, même, on sait qu'il y a des bactéries qui sont dessus. Faut savoir que c'est pas toutes les bactéries qui sont mauvaises pour la santé ou qui peuvent être néfastes. Ah. Alors, oui, bon, ça peut avoir une mauvaise odeur, ça veut pas nécessairement dire que c'est une bactérie qui va être néfaste. Mm-hmm. Mettons. Après ça, identifier, bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut un laboratoire, déjà. Ouais, alors, c'est ça. Tu fais pas de laboratoire à bactéries chez toi? Non, mais je commence à en fabriquer un. Ah oui? Les planches à découper, évidemment. Faut les nettoyer entre chaque. Les plats de travail. Bon, les poignées de porte. OK, parlons-en des poignées de porte. Les mots de poignées de porte. Ben oui, alors, selon le site, quand que je dis que, bon, ben, faut pas paniquer quand même plus que ça, les poignées de porte dans les lieux publics, ben, on y touche tous. Alors, évidemment qu'on va avoir des bactéries de d'autres personnes. Ouais, ouais. Alors, selon le site, à chaque fois qu'on touche une poignée de porte, il faudrait se nettoyer les mains tout de suite après. On n'arrêterait jamais? C'est ça. Puis je veux dire, avec ta petite bouteille de purelle, tu vas avoir les mains secs longtemps. Ouais. J'avais un ami, là, sa mère, quand il faisait sa chambre, exigeait qu'il lave sa porte et sa poignée de porte. Ben, je suis pas la porte aussi? Ouais. La porte, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais. Ouais. En même temps, c'est sachant... Comme, il lave ses murs aussi, parce que si tu laves ta porte, tu laves tes murs, c'est la même surface plane. J'étais juste au courant que sa mère voulait qu'il lave la porte et la poignée de porte. Étrange. Sachant que c'est de plus en plus dit qu'un enfant qui va être confronté, si on peut dire ça comme ça, des bactéries ou des germes qu'on va retrouver dans l'environnement, qu'un enfant qui se retrouve dans un milieu presque aseptique va être beaucoup plus malade qu'un autre enfant plus tard. C'est sûr. Donc la chose qu'il faut faire attention, la brosse à dents. Les recommandations de la brosse à dents que le site donne, je le faisais sans vraiment me rendre compte que c'était pour ça que je le faisais. On dirait que c'était comme mécanique. Ouais. Alors de simplement utiliser la brosse à dents, de le rincer, de donner un coup. Ouais, un petit coup. Petit coup. Alors, je pensais que tout le monde faisait ça. Ben je le fais, mais j'avais pas posé plus de questions. On dirait que moi c'était pour enlever l'eau. Ouais, c'est ça. Ben oui. Je sais pas pour quelle raison. Ouais. Puis la faire sécher debout. C'est vrai que j'ai jamais vu une brosse à dents qui se fait sécher, coucher quand on y pense. Moi non plus. Aussi, ça dit de remplacer aux 3 mois. Petit conseil là, à chaque fois que vous changez votre. Aussitôt que vous changez votre dentifrice. Changer votre brosse à dents aussi, c'est un bon petit cue. C'est comme changer la batterie du détecteur de fumée en même temps qu'on change l'heure. C'est juste un petit mnémonique. Chaque fois que vous avez la grippe aussi, changez votre brosse à dents après. Bonne idée. Mais il y a des brosses à dents qui coûtent cher. Ben, ouais. Achetez des brosses à dents qui coûtent pas cher. Ouais. Ouais. Non, ça changera plus souvent. Rabat-joie. Douce sur les gencives. Ouais, moi aussi, j'en ai. J'aime ça quand c'est doux sur mes gencives. Ouais. C'est un fantasme comme un autre. Sois doux avec mes gencives. Là. Prochain lien. La brosse à dents pour Fred, c'est aphrodisiaque. Oui, c'est ça. Même petit goût de citron dessus là, pour mettre ça relaxant. Oui, pour lubrifier. Je vous ai mis un petit jeu. Oh. Alors, on peut dire que c'est comme adopter une bactérie. C'est un petit jeu, dans le fond. Ça s'appelle Bactérie affamée. Alors, c'est un petit jeu où on contrôle une bactérie qui doit attraper des petites boules rouges. Oh. Et bon, OK. J'ai joué 5 minutes, puis... C'est drôle, là, 5 minutes. OK, bon, là, hey, il y a une bande dessinée. OK, attends un peu. Oui, mais c'est long aussi, parce que tu dis, bon, ben, t'es juste niveau 1. Fait que là, le principe, c'est que t'avales des petites boules. Ouais, Tania est en train de jouer. Moi aussi. Bon. Faut que t'avales, OK, parfait. Faut que t'avales les petites boules rouges, et les autres représentent des déchets qu'on peut retrouver à niveau microscopique, qui peuvent venir nuire à la bactérie, mais que nous, on voit pas. Plus tu manges des petites boules rouges, plus t'augmentes de grosseur en micro... millième de mètre. Alors, alors tu grossis. J'imagine que quand tu remplis ta barre rouge, bon, ben, tu changes de niveau. Et la bactérie de combien, Tania? T'es rendu à combien? 2.24. Je suis à 2.22. On va savoir. On va se battre. Attends, je suis à 2.35. 2.31? J'ai commencé après toi, Fauta. C'était pas aussi stressant quand j'étais tout seul. Ah, c'est dur avec les flèches, par contre. C'est vraiment difficile, hein? Oui, les flèches ont un drôle de contrôle. On dirait que la bactérie, on dirait qu'elle glisse, mais en même temps, elle glisse pas. Elle est comme attirée par les choses. On dirait qu'elle vole un peu. Ouais. 2.67. 2.67, moi aussi! Oh! Tabarnouche. On est en train de jouer à un jeu live à radio. Tu peux continuer de parler, par contre, frère. Non, non, j'ai une certaine passion à vous regarder la petite bactérie. Oh, on est chronométré, hein, bon, saviez-vous? On s'y attache à cette petite bactérie-là. J'ai avalé une grosse merde. Oh non, moi aussi! Ouais. Là, je suis verte! C'est pas pour rien qu'il y a pas de, qu'il y a des sports à la radio, je trouve ça plate, en mon dit. Oui, oui, c'est... je me dirige à gauche, à droite! Que j'aie ça. Oui, c'est ça, bon, on s'y est attaché. Honnêtement, moi, voir une bactérie qui bouge, qui avale des petites boules rouges que je sais pas trop c'est quoi, puis des petites boules vertes qu'on sait pas trop c'est quoi, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Toi, moi, tes voix, tu sais, à la radio, les gens les voient pas du tout. Oui, ben, mettons, bon, je. Bref, il faut juste nous entendre. On passe à autre chose. La musique est entraînante, par contre. Il y a de la musique. Quel est le prochain lien, Frédéric Bernard? Aviez-vous peur quand vous étiez petit? Peur de quoi? En général. La noirceur? Parfois. Se faire perdre dans un centre d'achat? Mettons votre garde-robe. Ouais. Aviez-vous peur de votre garde-robe? Non, je suis pas ce genre-là, moi. Moi, j'avais peur de ma chambre le soir. Je suis trop terre-à-terre, moi. Ben, au final, moi, en fait, j'avais pas tant peur du garde-robe, mais j'imaginais qu'en dessous du lit, bon, histoire vraie, je trouve ça cocasse, qu'en dessous du lit, il y avait deux monstres qui étaient là, mais qui étaient là pas nécessairement juste pour me faire des coups, tout, puis qui se tenaient là, puis qui voulaient rien savoir, enfin, qui voulaient pas que j'y dérange. Quand ma mère arrangeait de quoi en dessous, j'étais là, ils m'ont maudit, j'ai tassé, je sais, tu vas les déranger, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils faisaient des jokes qui me faisaient rire pendant la nuit. Il faisait des jokes! C'est là que l'impro est arrivé dans ta vie. Et c'est là que l'impro est arrivé dans ma vie. Fred, finalement, la nuit, il chillait avec les monstres en dessous du lit. L'affaire, c'est que c'était Gab Béhoud qui était en dessous de son lit. Ah, mon Dieu, je le sais. Gab Béhoud et Alex Marchand qui étaient cachés là tout ce temps. De la huître! Bref, oui, petite plug à la huître à l'équipe des Rouges. Alors, donc, j'ai posé la question... Où sont les monstres? Parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que ben, il était pas là, il y en a pas là, puis ma blonde, elle arrête pas de me dire lâche le dessous du lit. j'ai posé la question à Google, où sont les monstres? Où est les monstres? Alors, j'ai un petit livre tout mimi que j'ai trouvé sur un premier 16 pages. 16 pages. C'est un livre pour enfants. Sérieux, il est laid le monstre? Et oui, il est pas beau. Alors, et le livre s'appelle littéralement « Où est le monstre? » Alors voilà, j'ai répondu à la question. C'est tout ce que tu avais besoin de savoir. Oui, par Jim Benton. Est-ce que vous voulez le titre, le texte dans le livre? « J'avais un monstre, mais il a disparu. Dis-moi, l'as-tu vu? » C'est beau. Ça commence comme ça. Ensuite, je vous propose... Bon, les deux autres liens sont un peu bizarres. Je vous propose un site qui parle du mimétisme des chats. Alors, bon, le lien avec les monstres, j'ai pas trop En fait, oui, j'ai compris, je viens de me rappeler, c'est qu'en fait, souvent on dit que le chat est un peu snob, très détaché de l'humain quand on le compare au chien souvent. Eh bien, moi qui ne vivais pas avec un chat avant, avec un chien, maintenant je vis avec un chat, le chat de ma blonde, ben je commence de plus en plus à le croire justement, à voir ce côté-là du chat qui s'attache à nous, à ses réflexes qu'il va avoir. Et entre autres, là, sur ce site, on parle du mimétisme du chat. Alors, comme quoi que si on a une réaction de peur par rapport à un objet ou à un son, le chat va naturellement développer une peur vis-à-vis ça. Si on a un avis détaché par rapport à ça, le chat va avoir un avis détaché. Il montrait un exemple que je trouvais quand même bon. Un chat qui avait très très peur de la sonnette. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, pourquoi le chat avait très peur de la sonnette, c'est parce que la dame, a crié tout le temps « Entrez ». Alors, vu qu'elle criait, entrer, ben le chat associé le fait que la madame crie, donc ça doit faire peur, donc lui avait peur de la sonnette. Ça a du sens. Hein? Ouais. C'est drôle. Pas petit chat. L'autre lien que je vous propose, connaissez-vous le 7e continent? Non. Je fais mon Indiana Jones. Il y a le 7e art, le 7e continent, non, je oui. Alors, il y a un 7e continent, probablement que ça va vous dire quelque chose, on en a tous un petit peu entendu parler. Je le remets en avant-plan. Alors, ce continent fait de plastique. Alors, à cause des courants, le plastique qu'on jette dans l'eau, eh bien, ce plastique-là, à cause des courants, doit se ramasser à quelque part. Et où il se ramasse, eh bien, c'est dans des... ce qu'on pourrait appeler le 7e continent. Alors, c'est vraiment littéralement un endroit où on peut marcher dessus. Parce que ce n'est que du plastique, des déchets qu'on a jetés. Ça détruit l'environnement, ça détruit les poissons qui sont là. Et quand c'est rendu, que ça fait 2 expéditions qu'on fait dessus... Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, les gens se disent, mais Colin, il n'y a pas juste 5 continents à cause du buffet des 5 continents. Il y en a un 6e, c'est l'Eurasie, c'est l'Australie. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Ben donc, alors, c'est ça. Alors, il y a des expéditions qui sont faites sur ce continent-là pour aller l'étudier. Au départ, on a fait des estimations sur sa grosseur et finalement, il a dépassé les estimations. Il y a un peu une panique autour de ça, de... Ben, faites attention, jetez pas n'importe quoi. Ouais. Ouais. Dans l'eau, surtout. Mettons, dans l'eau, jetez rien dans l'eau. Effectivement, je dis rien dans l'eau, c'est la phrase à retenir. J'étais sur la page Wikipédia des continents, puis je trouve ça intéressant parce que certains géographes considèrent l'Asie comme un continent à part entière, donc ce serait le 6e, mais il y en a qui considèrent que l'Amérique est un seul continent, donc ça ferait que l'Asie... sans l'Amérique du Sud, dans le fond. C'est ça. Ah. En tout cas, c'est compliqué, les continents. Allez voir la page continent sur assemblagerequis.com, sur Wikipédia, pardon, et c'est très, très, très, très, très long et bien renseigné. Bon. J'ai essayé de confirmer quelques chiffres du site. Alors, c'est TV5 Monde qui montre ça. J'ai essayé de confirmer des chiffres parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup. Le 1/3 de l'Europe. Alors, le continent serait le 1/3 de l'Europe. C'est 6 fois la France en plastique. Oui, mais sur un autre site, j'ai trouvé que c'est le 1/3 de la France. Alors là, les données, qu'est-ce qui est... En même temps, c'est TV5. Ça serait, ce qui semble se confirmer, c'est que c'est entre 700 000 et 750 000 débris par kilomètre carré. Mm-hmm. Ça semble être pas mal confirmé. Ça serait 3,5 millions de kilomètres carrés comme continent. C'est quand même fou. Ouais. Quand même fou. Bref. Autre lien que je vous propose, l'autre question que je vous propose, on va y aller... Rapidement pour le dernier. Un petit peu plus rapidement, il me restait 2 questions. On va y aller vraiment, vraiment rapidement. Alors, quel est le pire travail? Quel est le pire travail? Ben, on se plaint des fois. Le plus stressant, le plus dérangeant. Ça. Qu'est-ce qu'il y en a? Bon, ben, j'ai trouvé plein de top 10 sur les pires travails qu'on peut trouver. J'ai trouvé un lien que je trouve intéressant. C'est Team Metric qui publie ça. Ce qu'ils disent sur ce site-là, ce n'est pas la première fois que je l'entends. En fait, ils parlent entre autres du stress au travail. Qu'est-ce qui cause le stress au travail? Des horaires changeants. Le revenu, alors ce que ça va influencer sur notre vie. À la maison, des horaires de travail qui sont surchargés ou des horaires tard le soir ou les gens qui travaillent qui travaillent de nuit. Oui. Alors, généralement, vont avoir un stress puis des fois, c'est non perceptible. Alors, c'est toutes ces choses-là, les relations avec nos collègues. Par exemple, je sais que Mathieu et Tania, vous engueulez en ronde. C'est pour ça qu'on vous voit stressé, que vous êtes stressant, que c'en est insupportable. Puis on insiste à manger ensemble. Puis tout. Mais oui. On est tout le temps en train de se battre. Oui, tout le temps. Tout le temps. L'autre fois, là, la mort de sang. Parce qu'il m'a frappé. Donc, ce site-là, justement, ce que je trouvais intéressant là-dessus, c'est qu'il propose, entre autres, des changements qui pourraient être apportés. Entre autres, plusieurs endroits disent que faire travailler quelqu'un avant 10 heures le matin, c'est une forme de torture. Ben eh oui. Ben oui, on peut vous en... L'émission finit, puis on a déjà une bonne partie de la journée faite. Oui, oui, clairement. C'est ça. Bon, il y a un truc par rapport à ça, mais c'est pas la première fois que je voyais ça, qu'il y a des gens qui comparaient ça à une forme de torture, le fait de travailler très, très tôt. Ouais. Alors, Moi, le site Team Metrics m'énerve vraiment beaucoup parce que leur logo, c'est un guillemet, mais juste l'ouverture du guillemet. Ouais, il n'y a pas de fermeture. Il n'y a jamais de fermeture. Fait que t'as l'impression que les citations sont jamais terminées. Tout un guillemet au début, j'haïs ça. Bref, c'est dit. Ça m'énerve. Oui. Ouais. Je suis obsessif compulsif. Vite, vite. Ouais. Quel est le pire travail? J'ai trouvé un site qui parle de berger allemand. Ça n'a pas rapport. Ah, bon. D'accord. Il y a un top 10 aussi, hein? Je trouvais juste le site assez laid. Puis je me suis dit, si on avait le temps, on pourrait le commenter. C'est parce très que vieux. J'aime commenter les. C'est très laid, ouais. Oui, je vous ai mis un top 10 parce que là, j'étais bombardé de top. Fait que finalement, j'ai été sur le site Topito, je l'ai tapé directement, pire travail. Et finalement, juste pour vous dire en résumé, bon, ben, il y a plein de pires travails et tout, mais le pire travail, honnêtement, pour moi, ça serait garde à Buckingham. Ah, tellement! Ah, bien faire de la journée, ouais. C'est celle-là que j'étais en train de regarder. Ah, ça doit être terrible. Tout le monde te prend en photo. Ouais. Tout le monde essaye de te faire rire. Mais t'as pas le droit de rien faire. Mais est-ce que c'est vraiment pire que leur numéro 1 gérant d'un cinéma porno? Tu dois nettoyer les restants de... Je sais pas. Oh, moi, De beurre de popcorn. J'avais pas pensé à ça. Et de fond de... Ouais. Mais... Ouais, okay. Garde de Buckingham. Homme sandwich. T'es planté pis tu bouges pas, là. Ouais, en tout cas. Tu bouges pas. T'as même pas le droit de rire. Ouais, ouais. Tu dois avoir des mal de dos, des là. Des fois, il doit avoir envie de... Pipi. Ils ont des pauses à quelque part là-dedans. J'espère. Ouais, t'as-tu là, déjà vu, toi, un garde partir de son poste? Non, mais c'est pas parce que tu l'as pas vu que ça arrive pas, tu sais. Franchement. En tout cas, il y en a plein d'autres, là, allez voir ça. Le nettoyeur d'enclos de cobra tueur, masturbateur d'animaux. Buteur de nourriture pour chat, vendeur de roses ambulant, dame pipi dans les toilettes mobiles, enleveur de chats écrasés et accoucheur d'éléphants. Bon. Vite. La dernière question, c'est qu'est-ce qu'un lieu caché? Oui. Alors, qu'est-ce qu'un lieu caché? Alors, je vous propose un lien qui parle de lieux cachés à Québec. Oui. Alors, des endroits qui ne sont pas nécessairement accessibles, entre autres un souterrain avec un train qui passe encore. Alors, il y a un train qui passe dans un tunnel qui fait vibrer la terre à un lieu à Québec. Et bien, ce tunnel-là existe encore. C'est un vieux tunnel. Des vieilles tours qui ont été détruites et une qui n'est pas encore détruite. Très bien construit. Alors, c'est des lieux qui sont secrets, qui sont cachés à Québec. Visitez ça si vous voulez avoir des idées de quoi visiter à Québec. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, ce genre de choses-là, ce genre de révélations-là. Ensuite, je vous ai mis un lien avec des lieux mystérieux dans le monde en général. Alors, moi, j'aime ça. Entre autres, on parle du Nil. Alors, les noms vont m'échapper parce que c'est le temps d'ouvrir le lien. L'île de Niihau, alors qui est une île hawaïenne, alors qui est protégée. Alors, il y a quelques habitants dessus, mais on ne peut pas y accéder parce que c'est protégé pour protéger la culture de cette île-là. Pingap, bon, ça, c'est une base secrète en Australie, c'est tel que tel, c'est quand même beau. Si, le truc, tapez les noms sur Google Images, c'est ça qui est vraiment fascinant. Je pense à l'île, entre autres, de Poverglia. Qui a un meilleur accent que moi. C'est toi qui n'utilises pas les bonnes lettres. Je pense que c'est une petite dyslexie à quelque part là-dedans. Oui, non, c'est ça. Ouais. Pas vers là, puis il n'y a pas de R. Il y a un problème, ça. Donc, cette île-là, en fait, est une île qui a été abandonnée, sur laquelle on a mis une asile psychiatrique qui a été abandonnée aussi. Okay. Donc, ça donne un aspect hyper lugubre. Ouais, il pourrait faire des films d'horreur là-dedans, c'est ça. L'une des îles... Si on n'a pas déjà eu. Oui, l'un des lieux aussi que je trouve hyper intéressant, c'est le sanctuaire Dizzy? J'ai aucune idée. Ouais, c'est ça. Alors, ce sanctuaire-là, en fait, c'est un sanctuaire, c'est un temple sacré, c'en est religieux, en Asie, alors au Japon plus précisément. Alors, ce sanctuaire-là, ce qui est détonnant avec, ce qui est le fun avec, c'est qu'à chaque 20 ans, ils le détruisent et le reconstruisent intégralement selon les vieilles méthodes de construction. Wow. Alors, sans grue, sans objets modernes pour le construire. Et finalement, le dernier lien que je vous proposais, alors au-delà de tout ça, c'est un musée consacré en Belgique au plastique. Ah, c'est pas l'île de tantôt, hein? Non, c'est pas l'île cette fois, c'est vraiment un musée, c'est dans une petite maison, on ne peut y rentrer que par 10, il n'y a pas de réservation qui est demandée, ce n'est que ponctuel, on se présente et ça s'appelle un plasticarium. C'est drôle, hein? Ben c'est beau. J'ai trouvé ça. Et voilà. Voilà. Juste comme je ça. Sur est-ce un que t'as vu, c'est où ta maison de plastique? C'est à Bruxelles. Oui, ah, ben Colin. Ben oui. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Oui, ben je voulais pas nécessairement faire de lien avec ça. Trop tard, c'est fait. Non, mais très honnêtement, je voulais pas faire de lien nécessairement avec ça. En même temps, c'est quand même, je trouve ça quand même le fun de parler de d'autres choses. Absolument, se divertir un petit peu, oui. Voilà. Mm-hmm. Merci Frédéric Bernard pour ta participation à l'émission, la chronique Google Globe. On se retrouve très bientôt. Plaisir. Passe une belle journée. Oui. On te retrouve à la Luître à partir du 4 avril. Les trois semaines qui débutent le mois d'avril, il y aura trois derniers matchs. Donc, oui. Demi-finale 1, demi-finale 2 et les finales. Lundi prochain, on n'est pas là. Fait que si vous voulez me parler, parce que le nombre de fois que les gens me parlent, le lundi soir, donc on se retrouve pas lundi prochain, mais l'autre lundi suivant. Le 4 avril. Oui. Voilà. Merci Frédéric Bernard. Je suis fin. T'es tellement fin. Tu m'enlèves les mots de la bouche. On continue. Il nous reste encore. En fait, on va défoncer un petit peu l'émission d'aujourd'hui parce qu'on a des invités spéciaux qui s'en viennent. Écoutons-les à l'instant. Voici Curé B et la pièce L'Addiction. Et après ça, on va leur parler, Curé B, en studio avec nous dans quelques instants à Assemblage Requis. Ben, regarde, t'as un peu la soupe. Comme la route est belle, mais dans ma chevelle, un petit air entraînant me motive tranquillement. Soudain une étincelle me spoile dans ma cervelle, nous fera gagner du temps, nous fera fondre dans les vents. La nuit s'annonce belle, sans dicton et tutelle. Restons un papillon, on se la pète pour de bon. On recherche une substance, on veut tomber en transe. On se fume le papillon, puis on se donne comme personne. C'est l'addiction à quelque chose. C'est l'addiction à quelque chose. Comme ta peau est belle, goût de sucre et de sel. On enlève nos vêtements, on s'enlace violemment. Ça n'a rien à voir avec la sorte, nos cœurs battent dans le cut-off. On se donne soif, on boue l'autre, on se frappe, on se saute. C'est l'addiction à quelque chose.

Et la pièce c'est Laurie, I hear rock on. À son âge requis. Donc, on a parlé avec nos deux curés préférés. On parle évidemment de David Bédard et Jonathan Béchard, ceux que je mélange parce que j'écris les noms comme un après l'autre, mais inversés par rapport à vos chaînes. Il y a le petit et le gros. Non! Laurel et Hardy. C'est ça. Ben voilà. Ben and Jerry, côté crème glacée, j'aime bien ça. Voilà. Bref, curé B, on a parlé en long et en large tantôt, mais qu'est-ce qui, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour écouter votre musique, l'acheter peut-être même? Ah ben écoute, contacter, juste pas me texter ou m'appeler durant la nuit. OK. C'est pas grave. C'est quoi ne pas faire? Mieux, mettons. Bandcamp, QRB, Bandcamp. QRB.bandcamp.com ouais. Pour écouter ou télécharger même gratuitement les chansons. On n'est pas cher, hein, là-dessus. Non, on n'est pas gros. Sinon, si vous voulez une copie physique, vous pouvez effectivement aller sur la page Facebook du groupe QRB. Aussi simple que ça. Puis on s'écrit, mettons. Ouais. Ouais, ben hey, ouais, yo, j'aimerais savoir un CD. Ouais, ben oui. Ouais, parce que dans le fond, on a fait 100 exemplaires. OK. Tu sais, c'était vraiment un petit projet. Pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est pour donner plaisir à maman puis aux grands-parents. À ouais, France Castel et à Michel Barrette. C'est en plein ça pour le. Elle est bonne, merci, elle est bonne. Merci. Elle est bonne. C'était mon pénultième gag de l'émission. Oh! Ah, j'étais capable de battre ça. J'ai réussi à le placer. En termes de vocabulaire, peux-tu battre ça? Il l'a fait tantôt. C'est pour ça que j'ai tendu la perte. Mais c'est parce que je comprends même pas le mot, je dois avouer. C'est avant-dernier. Mais c'est à utiliser de façon sporadique. Oh! Et voilà. Tu vois, c'est ça que je voulais. Bravo! Sporadique. Ça finit tellement bien l'émission, ça. On vous retrouve en spectacle aussitôt que ça s'en vient. Curé B, cherchez ça, là, c'est pas dur à retenir quand même. J'imagine que vous allez poster sur Facebook si jamais ça se passe. Absolument. On like ça right now. Curé B, merci beaucoup. Un gros merci à vous pour l'invitation. Yes. Génial, ça. Curé B. Nous, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui et on va dire merci aux gens qui ont participé à l'émission. Donc, merci énormément à Sébastien F. Gertin pour son bulletin Gertin. Merci à Frédéric Bernard pour Google Globe. Merci encore au gars de Curé B. Demain à l'émission, on sera jeudi. Ce sera l'ultime émission de la semaine, donc on aura une grosse pointe en dresse dans l'émission de demain. On va goûter à un produit du tiroir, comme on appelle, acheté en épicerie ou en magasin. On a des invités spéciaux aussi demain pour parler du communautaire C'est salutaire. Oui. Un projet qu'on a ici à l'université, donc ça s'en vient demain entre 6h30 et 9h30 sur nos ondes. À 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, on aura à 15h le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ça, c'est mon émission, qui a mon nom dessus quand même. Mm-hmm. À 17h, Audiomatique avec de la musique électronique. À 20h, Radiosonic et sa musique variée. Mais dans quelques instants, à 10h, dans une quinzaine, ce sera Compte à rebours, l'émission de Compte traditionnel avec Antoine Lamoureux. Voilà. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados de fusion. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. Elle connaît mon texte par cœur. Juste un peu. Tu pourrais faire mon doublage. Je pourrais. C'est bon d'avoir. Je préfère un canon en arrière. Oh! Next time! Demain! OK, on essaye ça demain. Génial. J'ai mes formules, ça paraît. À demain, là. Hey, bye, bon café!